me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi inventer, selon le mathématicien Henri Poincaré, c'est choisir? Quelles sont les composantes du hasard chanceux dans la notion de talent? Comment intervient la sérendipité? Comment requalifier l'argument de l'aléa? Comment le talent peut-il être pensé dans les entreprises, demande le sociologue Pierre-Michel Minger. Titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Minger, qui a dirigé au CNRS un groupement de recherche consacré à l'analyse comparée de la valeur artistique en sociologie et en économie entre 1988 et 1995, met en avant dans son enseignement et dans ses recherches en équipe une approche pluridisciplinaire à la croisée de la sociologie, de l'économie, du droit et de l'histoire, pour renouveler, explique-t-il, l'analyse théorique et empirique du travail, des marchés et des modèles d'acteurs dans les sciences sociales. Le sociologue, formé à la philosophie et passé par Normale Sup, achève aujourd'hui le premier cycle de sa stimulante enquête pluriannuelle consacrée à la question du talent, élément de physique sociale des différences et des inégalités. Au début de son enquête, il avait noté l'immense diffusion du vocabulaire du talent et du génie au-delà du cercle des arts, des sciences et du sport où il s'est d'abord développé. Et il a pu noter également la diffusion de toute une technologie et d'une littérature du management des talents dans une économie qui repose aujourd'hui sur la connaissance et l'innovation, où les meilleures qualités cognitives sont valorisées, sinon survalorisées. Pierre-Michel Minger poursuit son interrogation sur la façon dont l'individualisation peut être une variable d'un processus d'autonomisation, de professionnalisation, et il ouvre son questionnement sur le talent au monde de l'entreprise en fin de cours. Comment fonctionnent la créativité et la durabilité dans un système de travail empreint de variabilité, demande-t-il encore. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 3 mars 2017 pour le cours de Pierre-Michel Minger, la question du talent et son management dans les organisations. Avant que prolifèrent depuis quelques 40 ans les recherches les plus diverses sur la créativité avec leur cumulativité incertaine, de nombreux essais de caractérisation psychologique de l'imagination créatrice et tout particulièrement du travail d'invention scientifique, ont vu le jour depuis le milieu du XIXe siècle. Depuis celle de Alexander Bain en 1855, à celle de Helmholtz, de Ribot, de Mach, d'Ernst Mach, de Souriau et au XXe siècle, de Fernand Poland, de Poincaré, de Janet, qui enseignait ici même, de Wallace, de Adama, encore un de nos collègues, de Herbert Simon, de Donald Campbell, que j'aime particulièrement, et de Dean Simonton. Ces recherches décrivent généralement la succession des phases, donc conscientes, infraconscientes et inconscientes du travail, lors desquelles une population d'idées et d'hypothèses est soumise à une multiplication d'épreuves, d'essais et erreurs, de collisions par rapprochement et association imprévisible, puis à un crible qui doit détecter ce qu'il y a de prometteur et l'exploiter et le conserver, ou beaucoup plus souvent, le rejeter. Alors, appeler chance ou aléa la variabilité qui est nécessaire à cette activité psychique et à ses formes organisées, par exemple le brainstorming, et nommer intuition la capacité de sélectionner les solutions fécondes, signale, peut-être un peu trop commodément, mais signale en tout cas le caractère imprévisible et émergent du résultat. Cette description entre en résonance avec les témoignages des chercheurs et des créateurs, et même de la manière critique dont on peut le faire chez Nietzsche, dans leur expérience des tensions dont le travail est l'objet, même si la description qui en résulte est le produit d'introspection difficilement vérifiable. On n'a pas encore d'appareil pour analyser les phases d'illumination créatrice, mais peut-être que les appareillages nous le fourniront. Si tout n'était qu'affaire d'accumulation de matériaux, donc une phase 1 dans mon système et celui que j'emprunte à ces auteurs, l'acte de création ou d'invention équivaudrait à une simple recombinaison imitative de solutions déjà existantes. Mais s'il était entièrement assimilé à l'aléa, ce travail serait hors de portée de quelque volonté et de quelque engagement d'effort que ce soit. La loterie ferait tout, comme le soutiennent d'ailleurs ces conceptions naïves du génie ou du talent. C'est le même Henri Poincaré qui avait décrit les phases successives d'une recherche qui mène à une découverte en parlant de son travail sur les fonctions fuchsiennes dans son essai de 1908 qui s'appelle « L'invention mathématique » et dont Jacques Adamar fit un commentaire dans son livre « Essai sur la psychologie de l'invention dans le domaine mathématique ». Le maître mot de Poincaré, c'était « inventer, c'est choisir ». Parmi la population nombreuse des idées qu'engendre un travail intensif sur un sujet et parmi la population des nombreuses associations et collisions d'idées jusque-là disjointes. Cette idée a été reprise par l'essai de Donald Campbell, « Blind Variation and Selective Retention in Creative Thought » As in other knowledge processes, c'est un article de la Psychological Review de 1960. Et dans cet article, selon Campbell, les activités créatrices requièrent ce travail intensif d'accumulation de matériaux, un mécanisme générateur de variations dans les associations, des combinaisons et des recombinaisons d'idées, un processus de sélection et un processus de préservation et de reproduction des variations sélectionnées. Le maître mot de Poincaré, je l'ai dit, était « inventer, c'est choisir ». Parmi cette population nombreuse des idées qu'engendre un travail intensif sur un sujet et parmi les nombreuses collisions d'idées disjointes. Dans ce modèle, le hasard est au cœur des combinaisons inventives et le génie se signale par le volume très élevé des idées qu'il produit et qu'il fait entrer dans le mouvement d'associations et collisions imprévisibles d'où émerge la découverte. Merton, dont j'ai déjà parlé, était lui-même suffisamment fasciné par la composante de hasard chanceux dans le processus de découverte pour avoir consacré avec Eleanor Barber un ouvrage entier au phénomène et à la généalogie d'un curieux concept qui était encore peu connu il y a, mettons, 10 ou 15 ans en France, mais pas aux États-Unis, qui est le concept de serendipity, qu'on traduit aujourd'hui un peu paresseusement par sérendipité. Ce mélange d'inspiration, de ténacité et de bonne fortune ou d'heureux hasard. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, mais vous cherchez ce que vous trouvez. On peut le résumer ainsi un peu rapidement. J'ai parlé d'une requalification de l'aléa d'une première manière, maintenant en voici une deuxième manière. Que fait-on quand on décrit ce processus de travail avec ses différentes phases et quand on loge au cœur du système le moment qui a été identifié précisément comme un maximum d'indétermination possible, à savoir l'intuition, l'éclair d'inspiration, l'émergence d'une idée qui surprend celui qui ruminait sans cesse sur le sujet? On fait tout simplement de l'aléa un élément constitutif d'un processus emprunt et modelé par l'incertitude sur le résultat. Mais pour que cette requalification devienne opératoire, c'est-à-dire épistémologiquement féconde et théoriquement et méthodologiquement efficace, c'est-à-dire spécifiable, il faut la loger dans un appareil conceptuel adéquat. Celui que je vous soumets et propose fait appel à plusieurs notions. L'une est déjà apparue, variabilité. Une seconde est la distinction entre des tâches à accomplir selon leur degré de routine. Et la troisième, c'est le processus de production. Est-ce que c'est une fonction multiplicative ou une fonction additive? Alors d'abord, la variabilité. Le sociologue américain Arthur Stinchcombe, que j'aime beaucoup, qui est aujourd'hui bien âgé et à qui j'envoie un salut aussi amical qu'admiratif, est un sociologue inventif et inclassable. Il entrerait dans cette catégorie qui est presque l'objet de cette recherche. Exactement le genre de personnalité dont on peut apprendre sans se sentir affilié à lui ou sans se sentir envieux devant lui, mais simplement admiratif de son inventivité. Eh bien, dans une analyse devenue classique qu'il a proposée, Stinchcombe a classé les structures d'activité selon le degré de variabilité des facteurs qui déterminent directement leurs propriétés constitutives. La stabilité ou l'instabilité d'un marché de produits industriel détermine, par exemple, les propriétés du système d'organisation du travail qui est exigé pour adapter en permanence la production aux conditions changeantes de l'environnement. L'issue d'une activité est incertaine lorsqu'elle est le produit, je cite, de la forte variance des variables causales affectant le résultat de l'action. Deux, je cite encore, l'imprévisibilité de la valeur que prendra la variable causale directement influente et, je cite encore, d'une relation de causalité insécable entre cette variable et le résultat. En caractérisant les facteurs déterminants par leur variance, on peut dès lors échelonner les activités sur un axe allant des plus standardisées et plus répétitives aux moins routinières selon que la variance des déterminants de l'action est faible ou forte. Mais aussi les travaux de création artistique ou de recherche scientifique, mais aussi des activités plus ou moins prestigieuses telles que la publicité, le jeu, le sport, la bourse, le combat, c'est celle que cite notamment Stinchcombe, compte parmi les entreprises humaines les plus faiblement routinières et dont l'issue est très imparfaitement prévisible. D'où d'ailleurs, dans ce genre d'activité, le recours si fréquent aux superstitions, aux pratiques divinatoires ou à la magie qui sont supposées forcer la chance et réduire l'incertitude. Et ces valeurs de don, de génie, d'intuition, de créativité, qui sont plus acceptables dans des univers d'action culturellement sophistiqués, comme les arts ou la création intellectuelle, fixent en réalité sur la personne et sur ses qualités intrinsèques la croyance en des pouvoirs magiques et surnaturels de contrôle de l'incertitude. Les propriétés de base qui maximisent la valeur incertaine et émergente des résultats d'une activité suscitant des écarts considérables de réussite sont celles où la variabilité est une donnée. Les éléments sont la différenciation, la concurrence par l'originalité, les longs processus d'essai-erreur et de révision et de recommencement, et l'organisation du travail par projet ou par portefeuille de projets menés simultanément. Mais la variabilité est une donnée ou une contrainte structurante qui doit être en permanence transformée en une ressource. Les contraintes de variabilité indiquent toujours comment donc les choses pourraient être faites autrement. Et il faut de la réflexivité pour penser ainsi. C'est ce que les aspirants professionnels de ces mondes apprennent très tôt. Chaque fois qu'on acquiert une compétence ou un tour de main, on apprend aussi comment appliquer de manière différente cette compétence à des situations diverses, en raison même de la variabilité nécessaire de l'activité. C'est un des effets de l'organisation par projet du travail dans ces mondes qui accroît fortement le contenu formateur du travail et aussi la valeur d'autonomie et de motivation intrinsèque qui sont si fortement associées à la créativité, mais aussi si fortement associées à la donation de sens qu'on peut accorder à un travail. Une des manières de maintenir cette tension de variabilité, c'est de diversifier son portefeuille d'activités. Dans des enquêtes que j'ai menées, j'ai montré comment on apprend à combiner et à équilibrer des projets exigeants et incertains, mais dont le potentiel formateur et les enjeux sont élevés, et des projets aux résultats plus certains, mais dont la valeur formatrice est moins grande. Et, autrement dit, à alterner des conduites d'exploration et des conduites d'exploitation des acquis. L'exploration augmente le caractère non routinier de l'activité, mais elle proportionne aussi les gratifications sociales et psychiques du travail au degré d'incertitude sur le succès. Les routines agissent dans ce cas aussi comme des forces stabilisatrices, car elles sont indispensables à l'organisation de l'activité, à la capitalisation des apprentissages, à l'accumulation d'expériences et à la coopération avec autrui dans des relations d'interdépendance fonctionnelle. La variabilité induite par le travail par projet permet d'alterner ces dimensions d'exploration et d'exploitation. Les recherches montrent comment, dans de telles activités, on peut s'y prendre pour faire avancer à des vitesses très variables des projets menés de front et comment on peut orchestrer leur interdépendance, bref, comment on s'y prend pour faire de la variabilité une ressource. Et certains mécanismes psychologiques fournissent une aide très précieuse, comme ce qu'on appelle le Zeigarnik Effect, du nom d'une psychologue qui travailla avec le célèbre psychologue Kurt Lewin. L'idée, c'est qu'un portefeuille de projets est un écheveau d'entreprises dont certaines peuvent demeurer en sommeil un certain temps, mais ce qui est en cours et non achevé, de cela, l'individu garde une mémoire suffisamment vive pour reprendre sans recommencer à partir de zéro. Une fois les choses terminées, la mémoire du projet est en quelque sorte réduite à son minimum fonctionnel. Elle n'a plus besoin de stocker toutes les possibilités qu'il fallait encore conserver à l'esprit pendant la phase non achevée d'exploration. La variabilité est une qualification du cours incertain du travail. C'était précisément cette dimension qui avait intrigué d'ailleurs John Dewey, qui a consacré un essai aux arts, quand il explorait le travail de création artistique et qu'il décrivait ce processus de travail essentiellement comme un processus orienté vers une fin non préméditée et placé sous une tension permanente en raison du caractère non linéaire de la dynamique temporelle de la production. La tension est créée par l'accumulation de résultats intermédiaires. Nous avons vu ce que ça voulait dire dans ces mécanismes de phasage du travail créateur, qui appelle une continuité de réalisation et une intégration progressive, mais sans que la vision complète du résultat puisse dicter le déroulement de l'activité. C'est ce qui fait sa valeur émergente. La valeur d'incertitude qui maintient le cours processuel dans sa tension permanente vers le but, mais vers un but qui ne peut pas être entièrement prémédité, c'est aussi la condition des satisfactions qui sont procurées par l'exercice de ce travail. La dynamique du processus doit en effet protéger l'acte de travail de la monotonie et de la répétition, mais aussi écarter le spectre d'une succession d'excitations dépourvues d'orientation et d'objectifs. La continuité de l'activité consiste en une accumulation de résultats qui doit demeurer ouverte à la surprise et à l'incertaine anticipation des états ultérieurs. Ensuite, il faut caractériser les activités selon la combinaison des facteurs nécessaires à la réalisation. Les modèles sociologiques et économiques de la valeur du travail qui m'intéressent ici et qui traitent d'abord des activités dans des organisations ou dans des équipes partent du problème que je viens de cerner. Pourquoi la valeur sociale et économique des actes de travail dans certains métiers ne varie-t-elle pas simplement en raison du degré de qualification des professionnels et de l'étendue du contrôle hiérarchique que certains professionnels exercent sur d'autres dans l'organisation du travail. Ce sont des facteurs qui sont classiques dans l'analyse des salaires, j'y reviendrai. Il s'agit de montrer que la valeur reconnue à ces activités est fonction de l'importance relative d'une bonne, d'une excellente ou d'une désastreuse performance dans la production du résultat final et aussi de la rareté des talents de ceux qui parviennent à les exercer ainsi avec succès. Dans le sillage de travaux qui avait été initié par deux sociologues dans les années 40, Davis et Moore, Stinchcombe, toujours lui, a proposé de distinguer deux catégories d'activités et de métiers. Dans la première catégorie figurent les activités dans lesquelles la contribution d'un professionnel talentueux à la réussite du projet ou de l'entreprise, cette contribution est plus que proportionnelle à ce qui fait sa différence avec les qualités de ses partenaires de travail. Ces qualités propres contribuent très fortement au succès de l'équipe ou de l'organisation. Et c'est précisément dans ces métiers que la compétition pour attirer et rémunérer les individus jugés les plus talentueux est la plus vive et que la concentration des gains crée des situations qu'on a appelées ensuite de « winner take all », mais le mot figure explicitement dans les analyses de Stinchcombe, ou de « winner take the most », l'essentiel. Stinchcombe cite parmi les secteurs et les professions concernées la recherche scientifique, l'enseignement universitaire, l'industrie du divertissement, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est-à-dire le cinéma, l'audiovisuel, les concerts, les shows, etc., et l'athlétisme. Le talent y est un facteur complémentaire ou multiplicatif de production. Par exemple, la qualité exceptionnelle d'un chercheur procurera à son équipe et à son université des résultats et des moyens de recherche importants, tout comme la réputation d'un chanteur lyrique pourra élever considérablement les chances de succès d'un spectacle. Dans la seconde catégorie d'activités, des contributions individuelles, même spectaculairement excellentes, ne sont pas en mesure d'apporter à l'organisation et à l'équipe un surcroît considérable de réputation ou de profit. Les compétences requises pour exercer cette activité ne constituent qu'un facteur additif de production et leur distribution parmi les individus est plus homogène. Dans une activité de production manufacturière ou dans l'artisanat, la présence de professionnels aux performances exceptionnelles ou éventuellement déplorables ne vaudra pas à ce métier un prestige ou un discrédit considérable. Il existe une élaboration ultérieure de ce modèle par David Jacobs et d'autres, comme James Barron ou David Krebs, qui propose en fait une typologie à trois termes en insistant sur des asymétries entre bonne et mauvaise performance. Ce qui est appelé dans ces modèles ultérieurs des star jobs sont des emplois qui impliquent fortement la créativité, l'innovation et la connaissance. Une performance, même médiocre, ne nuit pas considérablement à l'organisation ou à la firme, mais une bonne performance ou une très bonne performance, une idée de grande qualité soigneusement expertisée, peut lui procurer des gains considérables. Dans ces métiers, c'est la contrepartie, la probabilité d'avoir un très bon résultat est faible et la plupart des performances ont des résultats moyens. Et donc, le coût pour l'organisation d'embaucher un professionnel qui se révélera de l'une ou de l'autre espèce est faible au regard des bénéfices qu'elle retire si elle trouve quelqu'un d'exceptionnel, ce qui conduira à une politique d'emploi ou à une relation contractuel qui fait appel à beaucoup d'individus différents pour trouver la perle rare. Dans d'autres emplois, une bonne performance n'a pour l'organisation qu'une valeur un peu supérieure à la moyenne, mais c'est la mauvaise performance qui est désastreuse. Un pilote qui pose son avion en douceur ou qui tient son horaire a certes de la valeur, mais évidemment, s'il rate son atterrissage, sa mauvaise performance aura un résultat très dommageable pour la compagnie et pour les passagers. Un résultat plus dommageable que la bonne performance n'aura de résultat profitable. Ces emplois sont ceux qu'on appelle des emplois de « guardian jobs ». et sont généralement logés dans des systèmes très complexes de production dans lesquels les interdépendances entre les travailleurs sont très importantes. Enfin, dans des emplois qu'on pourrait qualifier de soldats du rang, la variation de la performance individuelle n'a qu'un impact très limité et l'amplitude des différences individuelles est faible, sont généralement des emplois peu qualifiés. Le succès de l'organisation dépend de la simple agrégation de l'ensemble de ses performances. On peut discuter beaucoup ces qualifications de ces trois types d'emplois, je ne vais pas insister là-dessus. On peut aussi montrer que l'intelligence dans le travail simple existe, mais le marché, lui, se débrouille autrement et pratique cette division en trois. Que veut-on dire exactement par fonction multiplicative de production ? J'avais donné l'an dernier un exemple du raisonnement que je mène à propos de la productivité dans la recherche. Et j'avais cité un article qui est simple à lire de William Shockley, qui fut prix Nobel, qui était un des inventeurs du transistor. Et en 1957, il écrit cet article pour chercher à comprendre pourquoi le salaire d'un ingénieur ou d'un scientifique très productif et très inventif ne varie pas du tout dans les proportions dans lesquelles peut varier la valeur de ses découvertes pour l'organisation qui va en bénéficier. Il était en 1957. Si on raisonnait aujourd'hui, et j'espère arriver au bout de ma démonstration dans le temps qui me reste, et si on était chez Google et pas dans l'entreprise qu'avait fondée William Shockley, qui a été d'ailleurs basée dans la Silicon Valley, il se trouve que Shockley et son entreprise ont été un des initiateurs du décollage de la Silicon Valley telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc si on était aujourd'hui, eh bien, on n'ajouterait pas cette clause et cette question, on paierait, et c'est ce que fait Google, les gens au prix où leur différentiel d'inventivité supposé peut leur valoir un salaire qui peut être considérablement supérieur à celui de leurs collègues moins inventifs. C'est aussi brutal que ça, et vous allez comprendre comment on va y arriver. En tout cas, en 1957, Shockley, lui, se disait « qu'est-ce qui se passe ?» Et il voulait comprendre une chose, c'était « mais qu'est-ce qui fait qu'un individu peut avoir une productivité très supérieure à son voisin, même si ensuite les salaires ne sont pas distribués de la même manière ?» À quoi donc attribuer les différences de productivité et d'inventivité entre les scientifiques ? Et pour vous donner une simple idée, on prend toute une série de facteurs dont on fait l'analyse, qu'on peut décomposer. Par exemple, comment publier un article scientifique ? Eh bien, on peut assimiler le processus de publication d'un article à une succession d'épreuves, trouver un bon problème, le creuser, reconnaître le résultat fécond quand il surgit, décider quand s'arrêter, parce qu'on peut toujours continuer, et décider de rédiger les résultats, bien rédiger l'article, ça compte. Aujourd'hui, on est bombardé de propositions d'aide à bien rédiger ces articles pour faciliter le travail des comités de rédaction internationaux. L'aptitude à tirer parti des critiques et d'être constructif plutôt que défensif, ça, c'est un sacré problème. Il faut être à la fois obstiné et ouvert au dialogue dans ces métiers. La détermination à soumettre son article à une revue et la persévérance à opérer des changements pour réagir aux observations des référés de la revue. Et les processus peuvent être parfois extrêmement longs. Eh bien, tous ces facteurs, pris un à un, au fond, ils se distribuent assez normalement. C'est une, on peut dire, tout le monde a la capacité, normalement, de éventuellement trouver un bon sujet, de bien rédiger, etc. Et quand on est plusieurs, ça facilite en plus les choses. Tirer parti des critiques, il n'y a pas de raison de penser que ces comportements obéissent à des distributions totalement anormales des capacités. Mais le problème et l'intérêt du raisonnement de Shockley, c'est de dire que le résultat, c'est la combinaison de ces facteurs. Et c'est la combinaison de ces facteurs, tous distribués normalement, avec des petites variations dans chacun, c'est cette combinaison qui crée des écarts gigantesques. Ces écarts sont multiplicatifs. La combinaison de ces facteurs est multiplicative. C'est ça le processus multifactoriel et la nature multiplicative d'une fonction de production. Des sociologues comme Alison et Stuart, qui citaient ce travail ont ajouté une remarque que je trouve très ingénieuse. Moins les tâches requises sont routinières, donc on est bien dans le cadre explicatif que je construis, plus le nombre de facteurs intervenant dans l'exécution de ces tâches est grand. Et donc, la distribution de la performance dans l'accomplissement de ces tâches devient par conséquent de plus en plus asymétrique à mesure que les activités sont moins routinières ou qu'elles sont sensibles à un plus grand nombre de facteurs intervenants. Ceci permet d'expliquer que dans une activité peu routinière, comme l'activité scientifique, la distribution de la performance est très asymétrique et qu'on ne doit pas s'étonner de ne trouver aucune corrélation significative entre cette productivité scientifique et chacun des déterminants pris un à un. C'est leur combinaison qui compte. Alors, que retenir de ce type de raisonnement ? Que sur la base de qualités, c'est-à-dire des aptitudes, des dispositions qui, prises une à une, peuvent être très normalement distribuées dans une population de candidats à la carrière, des différences très élevées de réussite professionnelle peuvent émerger. Le point essentiel est que ces qualités entrent en composition et que leur combinaison, donc cette propriété multiplicative, a des effets hors de proportion avec la distribution respective de chacun et avec la faible influence respective de chacun sur le résultat. Mais, il faut ajouter ce point essentiel, la liste de ces qualités n'est pas une nomenclature standard d'aptitude à détenir nécessairement en quantité normale ou plus que normale, car une partie de ces qualités ne se révèle et ne se constitue que progressivement dans le cours même des épreuves professionnelles. Il est dès lors absurde, pour expliquer l'inventivité de quelqu'un ou de certains, de partir d'une hypothèse de différence a priori considérable entre les individus, comme on le trouve donc dans ses arguments naïfs sur le génie offert par la nature au monde. Mais il est également impossible d'invoquer la seule hypothèse du hasard ou des contraintes externes pour proposer une explication alternative, comme celle qui supposerait que les individus seraient tous identiquement aptes et qu'ils ne réussiraient plus ou moins bien qu'en raison d'un jeu plus ou moins favorable de circonstances qui sont strictement hors de leur contrôle. Au minimum, l'interaction entre les qualités individuelles et les propriétés de l'environnement demande à être considérablement spécifiée. By and large, you're a superstar. All you need and so much more. Happiness is what we sell. That's why everyone loves BNL. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minguer, la question du talent et son management dans les organisations. En forgeant ce cadre de requalification de la production talentueuse ou géniale comme le produit d'un travail à forte variabilité et assorti d'un système individualisateur d'évaluation, je viens aussi d'évoquer d'autres activités que les arts et les sciences dans lesquelles on observe des phénomènes de concentration de l'attention et de très fortes inégalités de performance. Il est temps maintenant d'examiner si l'emploi du vocabulaire du talent les apparente peu ou prou au domaine et à la nature des activités qui sont, c'est donc ces autres secteurs, s'il les apparente au domaine et à la nature des activités qui sont habituellement porteuses de ces évaluations flatteuses et gratifiantes des qualités individuelles, c'est-à-dire les arts ou les sciences. Donc je vais maintenant renverser la perspective. Je vais observer des milieux dans lesquels on a affaire à des différences considérables de rémunération monétaire et éventuellement symbolique, avec toute cette asymétrie qui peut exister entre le monétaire et le symbolique, et dont le profil de distribution est tout à fait analogue à celui des mondes dans lesquels on valorise le talent et le génie, tout en observant que dans le monde des arts, du sport, on ne polémique pas autant sur ces inégalités que dans les mondes dont je vais traiter maintenant, mais vous comprendrez pourquoi. Pourrait-on induire de ces distributions de rémunération et de réputation dans ces mondes dont je vais parler une qualification analogue des qualités attribuables aux individus qui réussissent? Autrement dit, pourrait-on parler de talent ou de génie dans des secteurs qui sont ceux des entreprises et dont les rémunérations sont structurées, peuvent être structurées selon le mécanisme du winner take all? Alors, Robert Frank et Philippe Koop avaient écrit un livre qui s'appelle The Winner Take All Society, dans lequel ils étudiaient les secteurs où on a des structures de gains et de réputation de ce type-là, de winner take all. Les vainqueurs dans les compétitions raflent tout. Ils s'emparent de l'essentiel de la réputation. On se souviendra de la médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais pas de la médaille d'argent, ou beaucoup moins bien. C'est ça l'idée, si vous voulez. Et il énumère toute une série de secteurs. Le journalisme, l'édition, la mode, le design, les métiers d'avocat, les activités de conseil, la médecine, la recherche universitaire, la finance, le management des entreprises, le conseil en communication politique, qui a fort à faire en ce moment, et la création publicitaire. Alors, c'est un travail qui ne reposait pas sur des statistiques précises, mais qui était surtout un travail de construction d'arguments. Dans des recherches ultérieures, Kaplan et Rowe, je cite ici un des articles qui m'ont inspiré, l'article s'appelle « Wall Street and Main Street », il a été publié en 2009 et il a été publié avant le mouvement de Occupy Wall Street qui a démarré en septembre 2011, si je me souviens bien. Ces auteurs, eux, s'intéressent à ce qui est devenu un objet d'analyse extraordinairement intensive. Les travaux de mon collègue Thomas Piketty ont été très importants en la matière. C'était de fameux d'étudier le haut de la distribution des inégalités parce que dans les 10 ou 20 dernières années plutôt, ce sont eux qui ont bénéficié de l'essentiel des fruits de ce qu'on appelle les fruits de la croissance et qui ont raflé l'essentiel de la mise. Et ce sont les fameux 1 ou et quand on va plus loin, 0,1%, les auteurs ici procèdent même à une décomposition vers les 0,01%. Et on a encore des résultats très significatifs. Et ils incluent dans leurs analyses de cas, les executives, les cadres de la finance, les avocats d'affaires, les sportifs et les celebrities. Donc c'est professionnels des industries créatives, comme on les appelle aujourd'hui, d'un terme un peu plus flatteur. Et ils cherchent à étudier les propriétés de ces métiers et de ces secteurs. Alors, quelles sont ces propriétés? Ces propriétés, on peut les distinguer, on peut classer les choses en deux catégories. On a affaire d'abord à des emplois très qualifiés, mais hors des organisations. Si vous prenez la liste, ici, vous avez des métiers d'indépendants, les avocats d'affaires, les sportifs, ce sont des organisations assez particulières, on va y revenir. Les celebrities aussi, ce sont des organisations un peu particulières, mais ce sont surtout des professionnels indépendants ou des professionnels incorporés, mais qui restent très indépendants. Donc, on a affaire dans ces mondes-là soit à des individus situés hors des organisations ou dans ce qu'on appelle éventuellement des organisations qu'on a qualifiées d'adocratiques, ad hoc. On n'a pas d'autre terme pour dire, ce sont des organisations très particulières. On a affaire donc à des mécanismes d'individualisation très forte et à un marché de réputation. Les individus valent beaucoup par leur réputation sur un marché qui ne se limite surtout pas à ce qu'ils sont dans l'organisation. Et c'est de là que viennent les fameux modèles de superstars. Quand il faut expliquer pourquoi ces gens-là raflent beaucoup de rémunération et de réputation, on a affaire à ces modèles de superstars dont j'ai déjà parlé, et que Sherwin Rosen a été l'initiateur de ce raisonnement. Mais on en a d'autres preuves avec, par exemple, ce qu'on appelle la scalability of operations. Et tout ça tient à la sensibilité très forte de la demande à l'égard des écarts de qualité. Il y a évidemment des phénomènes de feedback qui sont typiques des mécanismes d'allocation de réputation. On attribue des qualités substantielles à des individus, comme par exemple le talent, au vu de ce qu'on a observé, pour stabiliser des anticipations sur ce qui va arriver dans le futur. C'est ce que peut être typiquement un mécanisme en raisonnement de théorie des jeux, de ce que je sais du passé, comment je peux extrapoler le futur. Ce qui est important aussi à noter, c'est que la performance ici, elle est mesurable et individualisable. Elle l'est pour ce qui est de la réussite comme pour ce qui est de l'échec. Il y a en outre, et ça il faut le garder en mémoire, on peut littéralement faire une traçabilité de la performance à des niveaux de granularité extrêmement fins. La variabilité est élevée, les écarts de performance entre les meilleurs et ceux qui se comportent normalement, les écarts peuvent être considérables. Un cas qui est archi connu, c'est ce qu'on appelle la scientométrie dans la recherche scientifique. Vous pouvez littéralement mesurer, avec tous les outils disponibles aujourd'hui, et ils cessent de se développer, la production de recherche d'un individu, soit seul, soit dans son équipe, etc., et transformer l'individu en une mini-organisation à travers des données, des analyses de données. Et vous n'avez qu'à vous projeter dans un monde de données massives pour augmenter encore la puissance de ces outils. On a constitué, par exemple, des bases complètes de la totalité de la production cinématographique de l'origine à nos jours, non seulement sur les titres des films, mais sur la totalité des équipes qui ont produit ces films, qui ont été impliquées dans ces films. Et on peut en faire des analyses qui font le délice des sociologues ou des économistes pour tester des modèles de composition des équipes dans des organisations temporaires. Et il y a évidemment dans ces métiers un coefficient élevé d'incertitude sur le résultat ou sur la réussite, et il n'y a pas de couverture du risque d'échec par une entreprise. Une entreprise, votre salaire, il est en principe lissé à la variabilité des formules de rémunération près, il est lissé pour absorber éventuellement des difficultés pendant un temps donné, des difficultés de type conjoncturel. C'est une sorte de pacte salarial, il a une propriété assurantielle. Un bon pacte salarial a une propriété assurantielle. Et un CDI a cette propriété assurantielle aussi. On ne va pas imputer immédiatement une variation dans une performance d'entreprise à des éléments aussi essentiels que la rémunération en la faisant chuter d'un coup ou à la possibilité de licencier brutalement. Il y a des mécanismes de lissage qui sont beaucoup plus classiques et qui tiennent le coup, pour des raisons fonctionnelles et pas simplement par charité d'âme, parce qu'on tient un collectif de travail de cette manière-là et on implique les gens sur des bases qui ne peuvent pas être du real-time, de l'implication des chocs conjoncturels. Mais dans les métiers dont je parle ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de mécanisme de couverture et de mutualisation des risques d'échec, ou alors ce sont des mécanismes très particuliers mais qui n'ont pas du tout la même propriété. Alors maintenant, quels sont les autres emplois dont on peut parler, qui sont cités aussi dans cette liste? Ce sont des emplois dans les organisations. On est salarié d'une entreprise. Et du coup, on a affaire à quelque chose qui est assez différent de ce qu'on voyait tout à l'heure. On a affaire à des interdépendances entre les contributions des individus. Les individus ne se comportent pas comme des solistes. Ils sont liés à toute une structure d'organisation. Et donc, le problème, on a des déterminants pour le recrutement, pour la position dans l'entreprise, pour la rémunération, dans une hiérarchie, une pyramide de position et une différenciation des situations. Par exemple, on recrute sur la base des qualifications et on recrute sur la base des qualifications attestées par des diplômes. Je voulais citer plus en détail, mais je ne le fais que comme ça maintenant, un travail qui a été fait par Sellerier et Vallée sur une définition du talent dans le monde des organisations, mais des organisations assez particulières qui sont celles de l'industrie de la finance, des banques d'affaires. Mais les définitions du talent qu'ils retiennent, ce sont des diplômés des grandes écoles. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire c'est une définition possible du talent? Parce qu'il y a une sélectivité à travers les mécanismes de concours. Il y a une intensité d'effort des étudiants des grandes écoles qui réussissent ces concours par les classes préparatoires. J'en ai parlé l'année dernière. Ça fait partie du contrat d'effort qui est passé entre les enseignants d'une classe préparatoire et les étudiants. Vous allez devoir vous retrousser les manches, mais vous aurez quelque chose au bout, et plus ou moins de bonne qualité. Là, il y a une hiérarchie des écoles, etc. Il y a donc des problèmes de motivation. Il y a des questions de résilience. Les notations peuvent aller jusqu'à moins 20 ou à plus 30. Donc, si vous avez moins 15, il faut savoir rebondir. Et il y a des mécanismes d'entretien collectif de cette valeur de la marque et du talent qui est le capital social des écoles. C'est le réseau des alumni, évidemment. Donc, on peut pratiquer ça, mais vous voyez qu'on est quand même lié à un mécanisme de qualification qui est garanti collectivement. D'autre part, on se place dans une hiérarchie avec ce qu'on appelle le span of control, c'est-à-dire l'étendue du contrôle que vous avez sur des parties de l'organisation avec lesquelles vous travaillez et que vous pouvez superviser. Par ailleurs, les salaires sont formés à partir des caractéristiques de la firme, la taille, la profitabilité, l'exposition à la concurrence, l'intensité technologique, ça c'est un facteur croissant, le secteur d'activité. Le talent est sensible à des mécanismes comme le changement technique, ce qu'on appelle le skill-biased technical change. Et donc, on a un impact direct sur l'organisation de conditions externes de ce type-là. Et dans ce modèle, pour allouer les rémunérations et fixer les positions, on procède à des évaluations de performance. Ces évaluations ne sont pas réalisées comme dans le modèle précédent que j'ai évoqué à travers des données qui sont mesurables, des données qui existent, qui sont mobilisables, qui sont opposables en quelque sorte. On entend aujourd'hui juste encore un écho de ça. Quand vous entendez aujourd'hui, on parle des acteurs, on dit tel acteur, c'est 70 millions de spectateurs pour la totalité de ses films. Voilà, c'est une donnée mesurable. Monsieur Danny Boone, c'est 87 millions de spectateurs de ses films. Est-ce qu'il est bankable ou pas, etc. Et vous pouvez tracer des courbes. Bon. Et dans ce monde-là, dans le monde d'une organisation, vous ne pouvez pas le faire de la même manière, évidemment, parce que vous avez des interdépendances entre les individus. Et donc, quel est le principe ? Comment procède-t-on à ces évaluations ? C'est beaucoup plus compliqué et on a des casse-têtes sur les mécanismes d'évaluation. Toutes sortes de protocoles ont été inventés au point que on a fini récemment par dire les évaluations en monde gaussien, en quelque sorte, c'est-à-dire dans une entreprise où la distribution des performances peut être très concentrée autour de la moyenne, est-ce qu'on a intérêt à développer des évaluations très individualisantes qui vont créer des petites différences, mais qui seront peut-être symboliquement ressenties de manière très violente. Souvenez-vous de l'argument que j'avais développé sur les inégalités et la référence au traitement des pairs. Quand on ressent l'inégalité, c'est par rapport à des pairs immédiatement à côté de vous. Dans un monde gaussien, vos pairs, ils sont assez proches de vous, ce sont des gens qui travaillent comme vous. Et si vous créez des écarts de rémunération à travers des évaluations dont le principe est compliqué, vous allez peut-être créer une situation de malaise qui est très supérieure au gain que vous espérez trouver à travers l'évaluation. L'évaluation peut avoir un sens si elle détruit des promotions à la tête du client, des promotions arbitraires, des chouchous, etc. etc. On peut voir que l'évaluation a une rationalité. Elle procure des informations aux gens sur l'évolution de leur travail, etc. etc. Mais elle peut être aussi corrompue. Je donne ici une citation du même Donald Campbell que j'ai déjà cité, et les Américains adorent créer des lois, et il y a la loi de Campbell qui est de dire quand un indicateur est créé, on peut le corrompre. Dès qu'il a une dimension quantitative, on a des pressions à la corruption et donc on peut le distordre et distordre les processus sociaux qu'il est censé mesurer et contrôler. Et c'est exactement comme ça que se passent aussi les évaluations dans un monde gaussien. Alors, la question a été posée récemment dans des publications de type McKinsey et d'autres qui commencent à circuler, percoler dans le monde académique aussi. Pourquoi donc individualiser les évaluations là où les performances sont très proches ? Et surtout que ces performances telles qu'on les mesure là, elles sont un mélange inextricable de comportements et de résultats, si on arrive à mesurer des résultats. Avant, on était sur des performances mesurables par les résultats. Combien d'articles avez-vous publié? Combien d'entrées a fait votre film? Etc., etc. Ici, on est dans des mélanges de caractéristiques, comportements et résultats. Alors, l'idée, c'est de dire, eh bien, débarrassons-nous de ça et passons d'un monde normalement distribué, c'est le monde gaussien, à un monde parétien. Nous allons dire, cette partie-là, on ne lui applique plus d'évaluation. On la traite grosso modo en disant, bon, ben voilà, on a affaire à 70 ou 80% des gens qui travaillent normalement, on ne va pas s'escrimer à faire des différences. Et on a affaire, d'autre part, à une section, une partie de l'entreprise où on applique un raisonnement de type parétien, on va dire, il y a 10% des gens qui sont responsables de, éventuellement, 50 ou 80% des résultats. Et cela, on va les traiter autrement en termes de rémunération, puisque tout se ramène toujours dans l'univers où nous sommes à des questions de rémunération monétaire et ou symbolique, mais dans l'entreprise, le monétaire est sans doute plus puissant que le symbolique. On ne dira pas la même chose dans les sciences. La philosophie de l'évaluation dont je viens de parler dans les entreprises, c'était du bottom-up, c'était la version inclusive du talent, c'est-à-dire si je procure aux individus de bonnes évaluations, ça les fait monter et ça les motive, etc., etc. Si l'outil est respectable et si la pratique est correctement calibrée. Ici, maintenant, dans ce monde parétien où nous sommes, là, on est dans une philosophie inverse, c'est le top-down. On applique un autre raisonnement. On dit, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas d'abord les individus, ce sont les positions dans l'organisation. Et on va pratiquer une différenciation de l'organisation par les positions. Il y a des positions qui comptent beaucoup plus lourd que les autres pour la performance de l'entreprise. Et évidemment, c'est ce raisonnement structuro-fonctionnaliste, on dira, qui est importé des domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. Vous vous souvenez des star jobs, guardian jobs, foot soldier jobs. Ce raisonnement est plaqué d'un coup, comme ça, importé dans l'univers des entreprises, alors qu'il était calqué sur un petit nombre de domaines. C'est les domaines du modèle numéro 1 que je viens d'évoquer. Ici, on le projette, ce modèle numéro 1, sur le monde des entreprises en disant il y a des emplois qui ont des caractéristiques non normales. La variabilité de la performance peut y être très élevée. Et du coup, pour trouver les gens qui doivent occuper ces positions stratégiques, comme on les appelle, eh bien, il faut évidemment chercher la perle rare. Et donc, on va assister à un mécanisme d'appariement entre des positions qu'on a identifiées et des personnes qu'on va y recruter et y placer. Si ce sont des perles rares, il y a des chances élevées pour que beaucoup de gens se les disputent. Par exemple, dans des univers comme la high-tech aujourd'hui et la Silicon Valley, qui est typiquement un chaudron pour ce genre de raisonnement. Et donc, l'intensité de compétition va être évidemment très élevée. Alors, maintenant, il y a un ajout décisif par rapport à ce que j'ai présenté, c'est-à-dire ces histoires de forced ranking, qui avaient été inventées par Jack Welch et qui ont été tellement critiquées qu'on a commencé à faire des procès contre ce genre d'outils qui sont devenus plus discrets qu'officiels. Et ils ont reflué officiellement, mais peut-être pas officieusement. Mais maintenant, on ajoute une dimension supplémentaire. Si on cote les emplois plutôt que les individus, on a une base, évidemment, de légitimation d'une toute autre nature pour dire que ces emplois doivent être payés à leur prix. Et voilà une citation de Laszlo Bock dans un livre qui s'appelle « Work Rules ». Laszlo Bock, c'est le vice-président pour les questions de personnel chez Google, et il dit très tranquillement que dans un même emploi, je peux avoir un individu qui aura à qui je vais donner 10 000 dollars d'options, d'actifs en options, et à un autre, je vais donner 1 million. Et voilà. Je vais traiter extraordinairement différemment des gens. Et d'ailleurs, le junior level va être peut-être bien mieux payé que le senior level. Je m'en fiche. L'architecture de l'organisation est entièrement calibrée d'après le mécanisme de cotation des emplois par leur dimension stratégique et par la bonne qualité d'appariement entre la dimension stratégique et le talent. Et donc, je vais avoir des écarts de rémunération qui seront homologues des écarts de performance que je suppose. Je vais appliquer le raisonnement de la disproportion dans les deux dimensions, qualité fonctionnelle des emplois et production, enfin, et rémunération. Le dernier point, je vais aller plus vite, mais j'arrive à ce point et je vais finir là-dessus. Le problème, c'est que la rémunération, elle est fabriquée aujourd'hui tout autrement qu'autrefois. Ça n'est plus simplement les wages and salaries. Je tire ces données d'un article récent de deux auteurs qui ont étudié les rémunérations de top income inequality. Et les salaires directs, ça n'est que ça. Et vous voyez leur évolution dans le temps. Ce qui a contribué à l'explosion, évidemment, c'est le reste, c'est-à-dire les gains en capital et les business income, les actions et les choses comme ça. Autrement dit, tout ce qui est de l'ordre de l'emprise de l'individu sur le produit collectif de l'entreprise. Et c'est un autre raisonnement. Ça n'est pas simplement de dire « je suis payé à mon prix de marché » parce que le prix de marché est formé sur un marché des talents et que pour des emplois stratégiques, je veux mon prix de marché. Mais je vais obtenir une contribution disproportionnée aux résultats collectifs de l'entreprise à travers ça. Et donc, maintenant, vous pouvez ajouter une couche supplémentaire. Si vous vous projetez dans un monde avec ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, avec une forte intensité technologique où les emplois routiniers seront virés et substitués par des robots, et ça arrivera de plus en plus, ça c'est sûr, bon, pas pour, etc., je ne vais pas entrer là-dedans, je reviendrai là-dessus, mais si vous injectez ce mécanisme-là, ça veut dire aussi que vous allez créer une différenciation de la main-d'œuvre de plus en plus forte entre ceux qui sont complémentaires des technologies avancées, qui donc savent s'en servir et savent les renouveler aussi, y compris les créer, et les autres, et donc vous allez en quelque sorte, attribuer une couche de légitimation à ce genre de raisonnement-là. Mais vous aurez détruit l'esprit de l'entreprise. Je citais tout à l'heure, un article qui critique sévèrement ce genre de raisonnement en disant « on n'est pas comme à l'école où on note les individus individuellement, on est dans une entreprise et dans une entreprise, on est interdépendant ». Et le livre s'appelle « Faits et foutaises dans le management » de Pfeffer et Sutton, mais je n'ai pas le temps de développer. J'ai déjà débordé un peu. Je conclue sur ce point et j'y reviendrai, parce que ça a été un peu précipité, l'an prochain pour reprendre la question du vocabulaire du talent dans l'entreprise, mais pas, ça sera qu'un élément mineur du cours de l'an prochain. Je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine et je vous remercie pour votre attention patiente. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 3 mars 2017 le cours de Pierre-Michel Minger, la question du talent et son management dans les organisations. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Je rappelle sa leçon inaugurale publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion ». Sociologie du travail créateur, et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus, un sujet d'actualité. Un grand merci à Anne-Lise Signoret de la bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous ne quittons pas le monde des arts, sa complexité et ses mutations. Nous plongeons par le biais des objets dans une histoire transnationale et prospective du patrimoine européen en compagnie de Bénédicte Savoie pour sa leçon inaugurale. Et dans quelques instants, nous retrouvons les Petits Matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.